force en moi. Renouvelle ton amour pour moi. Renouvelle ta lumière en moi. Renouvelle ta force en moi. Renouvelle ton amour pour moi. Force en moi, ton amour pour moi, ta force en moi, renouvelle ta lumière en moi, renouvelle ta force en moi.